À la découverte. Dallas International Airport, février 1981. Faustine attend depuis plus d'une heure devant la sortie. Les portes s'ouvrent enfin, régurgitant le flot de voyageurs du vol Paris-Washington. Comme toujours, la silhouette swingante de Maxime paraît dans les premières. Heureuse et soulagée, Faustine se jette à son cou. Sitôt qu'il a récupéré son souffle, il s'enquiert. « Ça va, mon amour de Steen? Pas trop pénible ta nuit d'apprenti clocharde? Tu as eu assez d'argent pour manger? Pour boire ?»« Oui, tout juste. Mais j'en ai un peu marre maintenant. Je serai contente de changer de crèmerie. Je suis crevée. »« Tu vas tout de même devoir patienter encore un moment devant la sortie. J'ai garé la voiture au parking longue durée. Ça coûte moins cher, mais c'est plus loin. » Il faut prendre la navette. J'en ai pour 20 minutes. Sors ton bouquin, installe-toi sur les valises, je fais le plus vite possible. » Une demi-heure plus tard, les amoureux ayant rempli la Plymouth avec tous leurs effets, prennent la route de Warrenton, la petite ville à 35 miles de Washington, dans laquelle Maxime a dégoté leur nouveau nid. Faustine rigole quand il passe devant une bifurcation qui indique la direction Chantilly. Ça lui rappelle l'école qu'elle vient de déserter. « Ah non, merci, je sors d'en prendre. »« Ah ah ah ah, tu verras, ma chérie, tu n'as pas fini de retrouver les noms des villes et villages d'Europe ici. »« Comme dans toute l'Amérique, je suppose. »« Si chaque famille de colons s'est empressée de renommer sa nouvelle ville d'après celle qu'elle a quittée. »« Exact, j'ai déjà repéré 3 Paris, 2 Dublin, 1 Rome, 1 Nice... » et même une Madrid. » Alors qu'il roule tranquillement, Faustine s'étonne de voir que les autres voitures les dépassent aussi bien par la gauche que par la droite. En France, c'est strictement interdit. Maxime explique à nouveau, et il n'a pas fini d'expliquer. En théorie, sur les routes équipées de double voie, les véhicules lents circulent à droite. La voie de gauche est réservée au dépassement. Dans la pratique, ils passent où ils peuvent. Quand tu seras au volant, tu feras gaffe au moment de te rabattre. T'oublieras pas le rétro. 40 minutes plus tard, Maxime se gare devant une maisonnette. Quelle chouette! Mais tu ne m'avais pas dit qu'on avait des voisins. C'est pas des voisins, c'est le garage. Avec des rideaux aux fenêtres? Oui. Tu peux être sûr que la voiture reste dehors et qu'il y a un atelier à l'intérieur. Je vois, comme chez nous alors, conclut Faustine en riant. Pendant ce temps-là, Maxime a sorti les bagages du coffre. Il ouvre la porte, pose le tout, vient prendre Faustine par la main. « Viens, je vais te faire visiter ton nouveau royaume. » La maison étant petite, ils en ont vite fait le tour. La porte d'entrée, doublée d'une contre-porte en treillis métallique, donne directement dans le salon. Pourquoi 2 portes ? Parce qu'en Virginie, il peut faire jusqu'à 40 degrés en été. Je suppose qu'on appréciera de laisser circuler l'air en laissant les mouches et les moustiques dehors. Et pareil pour la porte du jardin. Exact. Tu me feras penser à mettre une goutte d'huile. Elles grincent toutes les deux. Au salon, devant la cheminée de ses rêves, Maxime a installé leur matelas. D'un air gourmand, il murmure. « Vous ne perdez rien pour attendre, mademoiselle. » Au fait, très cher, admirez un peu le magnifique ensemble tisonnier, pelle à cendre et soufflet que je viens d'acquérir. Oh, il ne manque plus que le seau à champagne plein. Ivrogne. Épicurienne, tout au plus, sourit Faustine. Maxime poursuit la tournée du locataire. Il traverse la salle de bain, située entre le salon et la chambre d'amis, aboutissent dans la cuisine. Tous les éléments paraissent démesurés, aussi bien le four que le réfrigérateur, le lave-vaisselle, le comptoir, la double plonge, jusqu'au fil du téléphone qui doit bien mesurer dans les 10 mètres, sans doute pour permettre de vaquer dans la maison tout en conversant. Décidément, pour l'esprit pratique, ces ricains sont imbattables. Ne manque plus que la télévision, mais Maxime reste inflexible. « Tu verras, on va tellement sortir qu'elle ne te manquera pas. »« Peut-être, mais si je suis seule toute la journée, ça m'aidera à me familiariser avec la langue. » J'ai installé le tourne-disque au salon. Tu te familiariseras pareil avec Sinatra et Armstrong. Faustine n'insiste plus. Fatiguée, ayant peu dormi au cours des dernières 24 heures, elle passe à la salle de bain. Constat décevant. En Amérique, tout est démesuré, sauf la baignoire. Bien plus basse qu'en Europe, elle a à peine 50 cm de profondeur. Quant à l'eau, non seulement elle a une bizarre couleur jaunâtre, mais l'odeur ne laisse aucun doute sur la teneur en chlore. Encore pire qu'à New York. Faustine se dit que dans ces conditions, il vaudra mieux s'en tenir aux douches rapides, sous peine d'être couverte de plaques rouges. Maxime lance depuis le salon. Ah, j'oubliais, la climatisation est foutue. La clim? Tu m'as pas dit que c'était nocif et bruyant? On l'a coupé systématiquement à l'hôtel. Je vois pas pourquoi on l'utilisera ici. Je croyais que c'était tempéré, la Virginie. Tu verras, il peut faire moins 20 en hiver, mais plus 40 en été. Tu risques de changer d'avis. Et c'est pas les buissons du jardin qui t'apporteront beaucoup d'ombre. Caramba, va me falloir un sombrero, alors. Si, senorita. En attendant, tu rappliques? Je t'invite au Pizza Hut du coin. Le frigo est vide, tu auras le plaisir de le remplir demain. Je te dirai comment. Pizza Hut, c'est le premier restaurant fast-food que Faustine fréquente dans la cambrousse américaine. L'extérieur ne paye pas de mine, hormis l'enseigne lumineuse qui éclabousse la rue. Sinon, toutes les fenêtres sont en trompe-l'œil. Pourquoi pas des vrais? Parce qu'ici, il est interdit de boire de l'alcool en public. Ah bon? Un reste de prohibition? Moins de morts sur la route? Exactement. Les restrictions d'alcool et la vitesse limitée donnent de bons résultats, semble-t-il. Si tu le dis. Dommage, les terrasses parisiennes vont me manquer. Effectivement, aux USA, abstraction faite de rares endroits touristiques, le couple ne verra jamais les sympathiques terrasses qui font le charme des villes d'Europe. C'est triste pour les buveurs de bière. Les seuls lieux de consommation dans lesquels on peut guigner depuis l'extérieur sont des bars à milkshake ou des restaurants sans alcool. La serveuse, joviale, apporte en même temps que la carte deux grands verres d'eau glacée, un geste de bienvenue systématique, très agréable, et qui le sera plus encore en plein été. Le restaurant propose une cinquantaine de pizzas différentes qui n'ont hélas rien à voir avec les sobres pizzas fines et croustillantes que Faustine préfère. Il semblerait qu'ici, plus elles sont épaisses et débordantes d'un fromage richement filandreux, plus elles ont du succès. Le couple tente sa chance avec celle qu'il suppose la plus modeste. Ils seront déçus, mais au moins pas étouffés. Ce soir, Faustine ne jouera pas les prolongations, n'en déplaise à son sensuel amant. L'estomac plein, les paupières lourdes, elle plonge sous la couette vite fait, bien fait, et s'endort comme un bébé. Demain, il n'y paraîtra plus de sa première nuit, presque blanche, sur sol américain. Au matin, Maxime la secoue gentiment. « Allez, mademoiselle mon chauffeur, en route. Je ne voudrais pas être en retard. J'ai posé l'argent des courses sur la cheminée. Tu as 30 secondes pour me rejoindre à la voiture. » Faustine se laisse embarquer en grognant, finit de se vêtir dans la voiture. Finalement, c'est Maxime qui conduit. Il est pressé, il a un breakfast meeting ce matin. Ensuite, ce sera à la jeune femme de se débrouiller. En passant, il lui montre deux ou trois endroits qu'elle pourra explorer pendant la journée. À midi, il déjeunera avec l'équipe du bureau, mais ce soir, il aimerait bien partager un repas chaud, si possible européen. Colline a promis de les inviter dans quelques jours, sitôt que Faustine aura récupéré. Au retour, seule dans la Plymouth, Faustine a l'impression de conduire un bateau. La direction est élastique, la suspension aussi confortable qu'une berceuse, les amortisseurs plus mous que du caramel, au point qu'elle se demande si la voiture sera capable de réagir efficacement en cas de freinage subi. Pour couronner le tout, cette obligation de rouler à 55 miles per hour non seulement est soporifique, mais en plus frustrante, voire carrément dangereuse. A-t-on idée de rouler à 90 km/h sur des routes aussi larges? À côté de ça, et contradictoirement, quand on tourne sur la route 625 pour se rendre au bureau, on a l'impression d'avancer sur des montagnes russes, Tant le chemin, non encore macadamisé, suit les courbes de niveau. Faustine, ayant déjà subi ce phénomène lors de sa dernière visite, doute de s'y habituer un jour. Elle hésite à s'acheter un casque de chantier pour le cas où sa tête cognerait le plafond. Elle se demande aussi pourquoi, alors que d'ordinaire il ne faut pas leur dire deux fois de sortir les bulldozers, ceux qui ont tracé cette route se sont contentés de mettre du tout venant sur un ruban ondulé. Bizarre autant qu'étrange, mais ce n'est pas le dernier mystère auquel Faustine sera confrontée. Sur la cuisinière, par exemple, les cordes chauffe en spirale, sans protection, semblent dater du siècle passé. Quant au fil électrique qui pendouille lamentablement à l'extérieur des maisons, soumis à toutes les intempéries, c'est loin d'être rassurant. Il semblerait que sur le plan des finitions, il manque quelques notions élémentaires aux ouvriers américains. Il y a une certaine dichotomie dans ce pays qui se prétend à la pointe du progrès, mais semble limité quant à la réalisation pratique. Avant d'aller au supermarché, la jeune femme retourne à la maison. Après tout, elle a sa journée, ainsi qu'un réservoir bien rempli. Pas besoin d'économiser l'essence comme en France ici. Un plein coûte 4 fois moins cher qu'à Paris. Ça laisse de la marge. Les bateaux, ça a du bon. C'est confortable, sécurisant, avec toute cette tôle qui vous protège. Mais ça suce un max. Même si on en est aux prémices, la conscience écologique est loin d'être établie. Le rapport Meadows, paru en 1972, est passé inaperçu du plus grand nombre. Et pour cause, les multinationales se sont bien gardées de lui faire de la pub. Pas plus que les autres, Faustine n'en a conscience. Dans quelques années, les petites voitures européennes entreront dans la danse et deviendront un must. Plus par effet de mode que par responsabilisation. Mais aujourd'hui, le grand chic, c'est la Cadillac. Debout au milieu du salon, la maîtresse du vice-président de Vichy prend la mesure de son nouvel habitat. Elle est chez elle, dans sa maison, en Amérique. 4 ans après sa rencontre avec Maxime, son rêve est devenu réalité. Il ne lui manque plus qu'un beau mariage et un bébé. La voilà qui éclate de rire en se lançant dans une danse endiablée sur la musique « Rock around the clock ». Redevenant sérieuse, la jeune femme, un crayon dans une main et un bloc dans l'autre, part en exploration dans les tablards, les armoires, les tiroirs et le frigidaire, endossant son costume de parfaite petite ménagère économe. D'après Colin, c'est le Giant Food Store de Manassas qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Alors allons-y pour le JFS. Maxime lui a dit qu'elle pouvait compter sur 10 dollars par jour pour les nourrir tous les deux. Ensuite, pour tout ce qui manque, depuis le rideau de douche jusqu'aux ustensiles ménagers, il paraît qu'il existe de multiples possibilités d'achat en seconde main. Il va se renseigner. Ils s'en occuperont ce week-end. À 10h du matin, le parking du grocery shop n'est pas encore plein. Facile de trouver de la place. Les caddies sont énormes. Vive le bon consommateur. Faustine se laisse séduire par la taille de tout. Des allées, des produits, des emballages. Le premier étage est celui des fruits et légumes. Gigantesque. Faustine n'a jamais vu des aubergines pareilles, ni des pommes, ni des poireaux. Merci Monsanto. Avec une seule tomate, on peut préparer une salade pour deux. Tiens au fait, une femme lui a rendu son sourire par-dessus la montagne des fruits et légumes. Puis, elle l'a remercié pour ce contact humain. Plutôt rare, paraît-il. Du moins, c'est ce que Faustine a cru comprendre. Décidément, elle qui parlait couramment l'anglais, en Angleterre, a un mal fou à piger l'américain. Nous disions donc une tomate pour l'entrée. Puis, un petit chou pour la suite avec de la viande hachée et une pomme de terre. Ça fera une jolie potée. Qui dit salade, dit sauce. Huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre. L'huile, elle trouve facilement, à côté de l'huile de vidange. Mais le vinaigre? Mais la moutarde? Faustine arpente des kilomètres dans l'espoir de tomber sur ce bon vieux vinaigre de vin qu'elle emploie d'ordinaire. Une xième cliente qui a enfin compris sa demande lui fait remarquer qu'elle trouvera des sauces toutes prêtes au rayon des condiments. Arceau, voilà le degré. La ménagère américaine ne fait plus grand-chose de ses blanches mains. elle achète ses produits tout préparés. Ici, le vinaigre sert au nettoyage des vitres, qu'on se le dise. Il lui faudra aller à Washington, dans un magasin spécialisé en produits exotiques, pour trouver ce produit de luxe. Du vinaigre de vin. Autant le faire soi-même alors. Oui, mais le bon vin aussi se trouve dans la capitale. Et tout à l'avenant. Pas étonnant que ces gens-là mangent si mal. Ils se laissent refiler n'importe quoi. À force de courir après leur fameux rêve américain, ils ont oublié le know-how, le savoir-faire. Un petit lapin moutarde? Impossible. D'après le responsable du rayon boucherie, les lapins ne sont pas comestibles. La preuve, ils sont tous rachetés par l'industrie pharmaceutique qui s'en sert pour la recherche. Quant au chocolat, à part les Hershey's Bar, un chocolat allemand de bonne qualité mais néanmoins un peu rustique, Faustine ne trouvera rien de correct ici. Pareil pour le pain. Les emballages de 50 cm de pain de mie caoutchouqueux ne donnent vraiment pas envie de s'y embourber les dents. Si elle souhaite manger autre chose que des céréales détrempées, il va lui falloir faire son bricheton elle-même. Elle achète donc 1 kg de farine et 1 peu de levure. Faustine comprend vite que si elle veut s'intégrer et comprendre ses nouveaux compatriotes, elle devra soit oublier ses conditionnements européens, soit réinventer la poudre. Dans ce nouveau monde, pays du progrès et des avancées technologiques, certaines choses n'ont rien à voir avec la décadence du vieux continent. Rien à voir avec la bonne cuisine non plus. À la caisse, elle a la surprise de voir un jeune homme emballer ses achats de sa propre initiative. Il pose les sacs dans le caddie, lui donne un numéro, puis lui fait signe d'aller chercher sa voiture. Quand elle revient, pas besoin de sortir, il remplit le coffre. Il refuse son argent. Il est salarié, c'est son boulot. Ça, oui, c'est le progrès. Colin lui expliquera que les études en fac ou à l'université coûtent tellement cher. Entre 12 000 et 36 000 dollars par an en 1980, qu'il ne suffit plus que les parents se saignent. Les étudiants doivent assumer plusieurs boulots en parallèle pour survivre pendant qu'ils étudient. Sinon, c'est l'usine, sans pitié. Mais ne va pas croire pour autant qu'un diplôme garantit gloire et fortune. Si tu joues de malchance et ne tombes pas au bon endroit au bon moment, tu peux galérer des années avant de réussir. Comme en Europe? Comme en Europe.